celui qui nous établira aussi. Le Seigneur, la fin de ta service. Le soir est dans la nature de notre dévotion. C'est par la puissance de Jésus. C'est Dieu qui a permis que toi et moi soyons ces lieux. Nous voulons maintenant l'adorer. Je ne t'exige pas une position, mais que ton cœur soit disposé à adorer ces dieux. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir? Qui est ce Dieu au devant de toi? Prends la bonne position, une bonne disposition de cœur pour adorer ton Dieu. Est-ce que des cœurs disposés ce soir peuvent adorer Dieu? Au devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Au devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. De force me manque pour me relever de partout. Je ne vois bien sûr, je ne vois plus de sagesse. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. De force me manque pour me relever. De partout je suis accablé. Je me demande si j'ai prouvé subsister. Élève ta voix, adore Dieu. Et pour prendre le vol de ton trône. Tu contrôles toutes les choses. Décidé enfin que mes soucis disposent. Et pour conduire de ton trône, donner l'âge sur ma cause. Décidé enfin que mes soucis disposent. Seigneur, nous te bénissons en ce soir en disant que tu es Yahweh Sabaoth. Nous t'invoquons en ce lieu. Laisse que tu descendes en ce lieu. Laisse que tu communiques à ton peuple. Laisse que tu parles à ton peuple. Laisse que tu bénisses ton peuple ce soir. Éternel Yahweh, tu montes de ton trône. Nous voulons te voir agir ce soir. Laisse que je diminue et que tu croisses. Laisse que Seigneur tu prennes cette place. Cette place est à toi. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles de siècles. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'un racheté peut dire Amen? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Acclame pour le roi des rois. Acclame pour l'Éternel notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu ce soir, bien-aimé, pour la vie nous accordée. Sans lui, nous ne sommes rien. Merci. Nous disons merci aux serviteurs de Dieu, les anciens, les diacres, et vous tous qui êtes là ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Juges chapitre 6. Verset 14. La Bible dit, l'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Ça, c'est notre thème de l'année. Il m'a été demandé ce soir de parler de deux choses. De parler de prison spirituelle et de la puissance de la mort. Alors, avant toute chose, j'ai voulu que nous puissions lire ces versets et que nous puissions comprendre certains principes de la vie. Le livre, nous lisons dans Matthieu 16, verset 18. Et Apocalypse, chapitre 1, verset 17 au verset 18. Apocalypse 1, 17 à 18. Matthieu 16, 18 dit ceci. Dit qu'on a ce maïvi. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et dans Apocalypse, chapitre 1, verset 17 à 18, Apocalypse 1, 17 à 18, la Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. La mort n'a pas le pouvoir sur l'église. Ça, c'est Jésus qui se tourne vers Pierre. Et lui dit, Anamwambia, tu es Pierre. Wewe ni Petro. Et sur toi, na juu yako, je bâtirai mon église. Tena kanisa langu. Ça veut dire, mana yake, la mort kifo n'a pas un pouvoir haina na uwezo devant l'église de Dieu. Mbele ya kanisa yake Mungu. Église de Dieu. Kanisa ya Bwana. Écoutez-moi ce soir. Sikieni vizuri mangaribi leo. Le pouvoir de la mort, uwezo ya kifo, ou bien la mort elle-même, hata kifo kenyewe, n'a pas de pouvoir sur toi, église. Haina na uwezo juu yako wewe kanisa. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que nous devons comprendre? Sasa tuelewe kwa nini? La mort a ses conséquences. La mort crée la désolation. La mort crée des soucis. Mais la Bible nous prévient pour dire, malgré tout ce que vous pouvez voir, la mort n'a pas de pouvoir sur l'église. Et dans Apocalypse, là, c'est Jean qui est en train de relater. Il dit une main qui vient le consoler. Une main droite qui le touche et qui lui dit, n'aie pas peur. Parce que j'étais mort. Et maintenant je suis vivant. J'ai entre mes mains la clé de la mort et des séjours de mort. Alors nous devons comprendre une chose. La mort c'est quoi? La mort, nous avons toujours pensé, c'est quand on met une personne dans un cercueil, c'est quand on parle au commandement de Dieu, et quand nous désobéissons, nous péchons. Et la Bible par ricochet nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Amen. La mort, kifo, commence yikunanzishwa quand nous désobéissons. Wakati tunafanya hali ya kutokuti, c'est là yipale que tout commence. Yo vyote vinanzishwa. La désobéissance kutokuti de l'homme ya mwanadamu au commandement de Dieu. Wenye amri yake Mungu. C'est quand l'homme pêche. Wakati mutu anafanya zambi. C'est quand l'homme wakati ne mutu marche pas dans la droiture. C'est un homme mort. Parce que quand on pêche, toute conséquence du péché amène à la mort. Cette mort qui n'est pas seulement physique, mais c'est une mort spirituelle. Vous pouvez voir quelqu'un marcher, quelqu'un respirer, mais c'est une personne morte. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là ce soir? Dans le livre de Genèse, quand nous sommes au verset 2, au chapitre 2, verset 17 et 16-17, Dieu parle à l'homme. C'est dans ce verset que la mort entre. Parce que quand Dieu crée l'homme, la nature de l'homme, c'était qu'il ne meurt pas. En fait, en Dieu, dans son projet de création, c'était que l'homme ne puisse pas mourir. Mais comment la mort est arrivée? Parce que Dieu avait dit à l'homme, tu peux manger à tous les arbres de ce jardin, mais tu ne toucheras pas à l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Et c'est quand l'homme a mangé du fruit de cet arbre que la mort est entrée. Dieu dit à l'homme, nous sommes au verset 16 et 17, Genèse chapitre 2, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Amen. La mort, c'est la désobéissance, c'est le péché, la conséquence du péché. Jésus détient la clé de la mort et du séjour de mort. Nous avons défini la mort. Nous voulons aussi définir, je voulais poser quelques bases pour que j'aille au vif du sujet. Le séjour de mort. Un séjour, c'est un lieu. C'est un lieu de repos. C'est un lieu momentané. C'est ça un séjour. Quand quelqu'un va à Colosie, on lui pose la question, comment était ton séjour? C'est-à-dire le temps que tu y es resté momentanément là. C'est pour un temps court. Voilà pourquoi, pour ceux qui écrivent, vous allez comprendre qu'il y a une différence entre le séjour des morts et l'enfer ou bien la géhenne. Le séjour des morts, c'est un lieu momentané. Mais la géhenne ou l'enfer, c'est le lieu éternel, de demeure éternelle. Mais le séjour des morts, c'est un lieu de transition pour les gens qui meurent. Alors, le séjour des morts, communément appelé Hadès, ou bien lieu invisible, c'est un lieu transitoire des morts. Vous allez comprendre que dans l'histoire en Matthieu de pauvre Lazare et du riche, on décrit clairement le séjour des morts et le sein d'Abraham. Donc dans le séjour des morts, il y a deux endroits. Il y a un endroit de tourment et il y a un endroit de repos. Vous allez voir dans le livre de Samuel, quand Saül arrive à la fin de son règne et il désobéit à ce que Dieu lui avait dit, il va voir une prophétesse pour qu'elle fasse remonter Samuel. Et quand Samuel revient, Samuel dit, c'est ceux qui sont dans le tourment, parce que dans le récit du pauvre Lazare, le riche lui disait qu'il est dans le tourment. Est-ce qu'on ne peut pas? Jésus pouvait lui dire, ce soir même, nous serons avec toi dans la résurrection de Christ. Vous verrez que quand Christ est ressuscité, la Bible dit, il y a certaines personnes qui étaient mortes. Quand le séjour des morts, c'était aller ressortir ceux qui étaient emprisonnés. Bien aimés dans le Seigneur, il y a ceux-là qui meurent inconsciemment. Il y a ceux-là qui se retrouvent dans le séjour des morts innocents. Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. Ces jours-là, on les a vus ressuscités les jours de la résurrection avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? En lisant la Bible, nous avons constaté que quand on parle du séjour des morts, pour déterminer le lieu, plusieurs versets parlent de centrailles de la terre. Il y a des versets qui parlent en dessous de la terre. Je voulais que nous puissions lire quelques passages qui nous parlent de cela. Ephésiens chapitre 4, verset 9. Ephésiens 4, verset 9. La Bible dit, or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu. Nous avons vu, nous allons voir, après la Pentecôte, nous allons voir Jésus, l'ascension. Nous l'avons vu monter. Là, ce sont les apôtres qui sont en train de répondre. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est là que lui-même a dit qu'il est allé arracher les clés. Les clés de la mort et du séjour des morts. Et mêmement l'histoire que je vous ai parlé de Samuel. 1 Samuel chapitre 28. Le verset 11 au verset 15. Quand on dit que Samuel était en train de revenir, la Bible dit qu'il était en train de monter. Ça veut dire qu'il était en train de monter. Ça veut dire qu'il venait d'une région inférieure. Le séjour des morts. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, que signifie la clé? Parce que nous avons parlé. Jésus dit il détient la clé de la mort et du séjour des morts. Nous avons parlé de la mort, nous allons parler du séjour. Maintenant, la clé, c'est quoi? La clé, c'est tout ce qui permet d'ouvrir des portes, d'ouvrir de nouvelles portes et fermer des anciennes portes. La clé, c'est tout système qui nous permet d'ouvrir ou de fermer. Jésus a la clé qui peut ouvrir et qui peut fermer. Et ouvrir et fermer, c'est parmi les étapes d'un homme dans la vie. Nous vivons, ces portes doivent soit s'ouvrir ou soit se fermer. Voilà, il fungiwe. Alléluia. Amen. Alors, la clé, merci. J'ai pour fungulo, c'est ce qui permet une transition d'une personne. Ya yokuna rusu mupito ya mwanadamu. Avec la clé, pamoja na fungulo, Quelqu'un peut quitter de la pauvreté à la richesse. Pourquoi? Parce que Sababu, il a découvert la clé de la richesse. Alléluia. Amen. Alors, il y aura fermeture de la pauvreté et ouverture de la richesse. Et cette opération, c'est la clé qui le fait. Maintenant, Christ dit, c'est lui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà pourquoi Satan ne pouvait pas toucher la vie de Job, parce que la mort et le séjour des morts, c'est dans la main de Christ. Alléluia. Amen. Il devait aller demander l'autorisation pour toucher à la vie des gens. Alléluia. Amen. Nous évoluons. On a indélé à 1 Pierre chapitre 3 verset 18 à 20. Petro kwanza sura yake ya 3 mstari ya 18 hadi 22. Les prisons spirituelles, ça c'est notre premier point. Ini dukutetu ya kwanza gereza ya kiroho. 1 Pierre chapitre 3 Petro kwanza sura yake ya 3 verset 18 mstari wa 18 à 20. Hadi wa 22. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a souffert une fois pour les péchés. Les péchés, on a mis au pluriel. Lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé. Laissez afficher le verset 19. Bien-aimé Christ est allé arracher les clés de la mort et du séjour des morts. Pas seulement pour les garder avec lui, mais avec ses clés, libérer les prisonniers. Ceux qui étaient incrédules. À l'époque de Noé, quand on était en train de prêcher, et qu'il n'y a eu que 8 qui ont été morts, étaient dans le séjour des morts. Et le Christ est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison là-bas. Alors c'est pour cela. Je voulais que nous puissions joindre ce que j'ai dit avant et ce que nous venons de lire. Les esprits en prison. Quand tu pèches, tu es mort. Quand bien même tu peux marcher, mais tu es en prison. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, quand bien même Ingawatu, tu peux respirer, kupumua, mais tu vis dans le péché, kunaishi, tu es dans la prison. Et il y a plusieurs prisons spirituelles que nous allons voir tantôt. Amen. Amen. Alors, la prison spirituelle, c'est quoi? La prison spirituelle, c'est toute forme d'oppression satanique. Tout blocage diabolique, toute arrestation arbitraire ou toute stagnation ou tout garde à vue. Garde à vue. Quelqu'un est en garde à vue. Quelqu'un qui a garde à vue, ça veut dire je suis là. Je suis en train de te contrôler avec mes yeux. Donc, tu es en garde à vue. Beaucoup de gens sont en garde à vue. C'est une prison. Donc, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller quelque part parce qu'on te contrôle. Il y a tes yeux permanents qui sont en train de te contrôler, qui contrôlent tous tes mouvements. Où est-ce que tu pars? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu entreprends? Tu es en garde à vue. Beaucoup de gens ne savent pas évoluer, ils sont en train de stagner, ils ne savent pas avancer. Ce qui stagne, c'est ce qui est sur place. Ils ne savent pas évoluer. Bien aimé, tu fais des affaires, ces affaires sont en train de stagner, ça n'évolue pas. C'est une prison. Bien-aimé, Christ est allé jusque dans les séjours des morts pour nous sortir de la prison de l'ennemi, la prison satanique. Il y a plusieurs prisons spirituelles qui existent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien ou bien parce qu'on vient à l'église, ce qui fait que nous sommes épargnés. Personne n'est épargné, mon frère ou ma soeur. Les prisons spirituelles existent. Te trompes pour toi, te dis que c'est quand je vais mourir que je vais aller vivre dans la prison spirituelle. Non, la prison spirituelle, c'est telle que je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est quand l'homme pêche, la porte de la prison est déjà ouverte. Parce que c'est la loi, c'est ce qui est dit. Quand tu voles, on t'arrête, tu vas en prison. Et quand on pêche, la prison satanique, elle est là. C'est une porte que nous-mêmes nous avons ouverte pour que le diable puisse avoir l'emprise sur nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les prisons spirituelles. Alors, ce soir, je vais citer quelques prisons. Dans lesquelles Christ nous a sortis. La première prison, pour ceux qui notent, c'est la prison de la pauvreté. La pauvreté. Bien-aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, Christ s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Il s'est fait pauvre afin que nous là nous soyons enrichis. Nous allons lire Apocalypse. Apocalypse chapitre 2 verset 9-10. Nous lisons rapidement parce que nous allons prier. Il y a plusieurs prisons. Je vais lire ce que nous pouvons lire et après nous allons passer à la prière. Apocalypse chapitre 2 verset 9. La Bible dit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne les sont pas, mais qui sont une synagogue de qui? De Satan. Le verset 10: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous. En quoi? La situation de pauvreté, pas juste par leur propre vouloir, mais c'est une prison du diable cherchant à dominer, cherchant à régner, cherchant à inculquer cette position-là pour voir comment soumettre l'homme. Parce que quand quelqu'un est pauvre, il peut tout. Alors pour le diable, il faut maintenir l'homme dans la pauvreté. Or Christ nous a sorti de la prison de Satan. J'ai besoin que quelqu'un répète avec moi: je suis sorti de la prison de Satan. Je suis sorti de la prison de Satan. Christ m'a sorti de la prison de Satan. Christ m'a sorti de la prison de Satan. Oui, bien-aimé, tu es en dehors de cette prison parce que Christ a payé le prix. Il a payé le prix. Il est mort. Il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. La prison de la pauvreté. La deuxième prison que je vais citer ce soir, la prison de la maladie. Nous voulons lire un verset. Je crois que ça doit être dans Luc. Luc 13. On parle de cette dame. Voilà. Luc chapitre 13 verset 10. La prison de la maladie. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ça veut dire l'infirmité était causé par un esprit, un mauvais esprit sur la terre. Notre temps est limité, mais imaginez une femme déjà 18 ans, elle est infirme. Donc, si Jésus ne passait pas là, cette femme resterait infirme jusqu'à peut-être à sa mort. Alléluia. Amen. La prison, c'est-à-dire toute sa vie, est emprisonnée par cet esprit. Chaque fois qu'elle veut se remettre, elle doit redescendre. Pendant des années, elle a perdu des sang. Elle ne pouvait pas se tenir devant les gens. Parce qu'elle était déclarée impure. Le diable, son rôle, c'est de donner une maladie, donner une infirmité, afin de faire passer ton temps jusqu'à la mort. La prison. Beaucoup de gens, tant, il va te dire. En tout cas, c'est toujours comme ça. Il faut que je prenne le paracétamol. Et ça va passer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois, parmi les promesses de Dieu, je recommande que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. C'est la promesse de Dieu. Mais une personne, vous voyez quelqu'un, vous allez enterrer. Et après, vous dites, toute sa vie, il a souffert. Voilà qu'il aille se reposer. Il va se reposer où? Il va se reposer où? Il va reposer pour faire quoi? Toute sa vie est bafouée. Bien aimé, nous devons refuser. Refuser la maladie. Cette prison de maladie que le diable impose injustement aux gens. Alléluia. Amen. Jésus l'a regardé. Il a regardé cette femme. Il a dit, femme, tu es pure. Jésus n'a pas dit, dans l'infirmité, l'esprit impur là, c'est ce qui imposait l'infirmité. Bien-aimé, nous devons chasser cela de nos vies. Christ a déjà payé le prix. Il nous a sortis de toutes ces prisons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Christ t'a libéré de la prison. Satan. Je vais aller vite, troisième prison. Nous pouvons lire 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er, et puis nous allons lire le verset 7. 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et envers ses esclaves. Le verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. La troisième prison, c'est la prison des dettes. Bien aimé, il y a plusieurs. C'est devenu une habitude. C'est bien aimé, je vous demande. Faisons attention de nous endetter. Bien aimé, moi je donne mon exemple. Parce qu'une année, j'étais allé demander de l'argent à quelqu'un. Bien aimé, quand la personne m'a donné l'argent, j'ai pris l'argent. Dès que j'ai commencé à utiliser l'argent, c'est des problèmes et des problèmes qui se sont suivis. Cet argent s'est fini dans quelques jours. C'est pourquoi j'avais même demandé l'argent, je n'ai pas pu faire. Alors un jour, j'ai prié, j'ai dormi. Et le Seigneur me révèle pour dire que la source de là où tu es allé demander cet argent, c'est une source de servitude. Tu dois tout faire pour t'en détacher. Bien aimé, l'argent là, ce n'était pas beaucoup. Mais les efforts que j'ai fait pour réunir d'abord cet argent, je vous dis, ce n'était pas facile. Bien aimé, la dette, regardez le mari qui avait pris la dette, il est même mort. Mais on est venu réclamer les enfants. Bien aimé, on ne vient pas réclamer la dette elle-même, mais on réclame les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, le diable, dans sa malignité, il va nous faire voir que tu vas retourner, ce n'est pas un problème. Mais au lieu de retourner l'argent, il exige des enfants. Toi, tu as demandé l'argent. Toi, tu t'es endetté, c'est l'argent. Mais quand lui revient, il ne regarde plus l'argent. Il dit, donne-moi l'enfant. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions prendre conscience ce soir des prisons dans lesquelles des fois nous ouvrons des portes. Il y a aujourd'hui, nous nous endettons même pour rien. Tu es à toi bien chez toi. Mais tu vas demander l'argent. Mais les conditions qui sont mises derrière là, est-ce que nous connaissons toutes les clauses? Lui a donné l'argent. Mais le créancier vient. Au lieu de demander l'argent, lui il demande les enfants. Nous prions le Seigneur que toute dette contractée par nos parents, nos arrière-grands-parents, il n'y a pas aucune réclamation sur notre futur, sur nous-mêmes ou nos enfants, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Ils ne vont pas réclamer tes enfants. Ils ne vont pas réclamer. Les enfants sont innocents. C'est lui qui a contracté la dette, c'est le papa. Mais on vient réclamer les enfants. Nous refusons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Amen. Je vais parler de cette prison et les autres, je crois, nous allons passer à la prière. La prison de l'immoralité. La prison de l'immoralité. Genèse chapitre 14, verset 17 au verset 21. Genèse 14, 17 à 21. Genèse 14, 17 à 21. Suivez-moi très bien. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ils étaient sacrificateurs de Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le verset 21, c'est celui qui nous intéresse. Le roi de Sodome, les personnes, et prend pour toi les richesses. Amen. le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les choses. Bien-aimé, je voulais parler de ces choses. Quand on parle de l'immoralité, l'immoralité bat maintenant son plein. L'immoralité a amené le monde actuel de voir un homme marier un homme, de voir une femme marier une femme. Dernièrement, j'ai vu un mariage d'une femme avec son chien. L'immoralité a fait ses choses, a se donné pour la réussite. Aujourd'hui, pour avoir un travail, un homme doit aller avec un homme pour avoir le travail. Donne-moi les personnes et prends pour toi les choses. Et c'est le roi de qui? De Sodome. Wa Sodoma. L'origine de la sodomie. Aujourd'hui, tu donnes des hommes. Tu donnes ta sémence. Spirituellement, c'est ça. Tu donnes ta sémence. Et tu reçois la richesse. Et tu entres en prison. Vous verrez des gens qui sont soumis. La première fois, il regrette de tout son cœur. Je ne pourrais plus faire ça. Mais parce qu'il avait déjà ouvert une porte, son corps commence à réclamer. Son corps réclame. Et il te dira, les gens qui ont parlé de ces choses, il va vous dire que ce sont des choses que tu ne sais pas les maîtriser. La prison. Mon frère, ma soeur, tu es jeune. Mon papa, ma maman. L'immoralité est une prison. Tu es dans ton mariage, mais tu commets l'adultère. C'est de l'immoralité. Alléluia. Amen. L'immoralité, ce n'est pas seulement les jeunes, c'est à tout niveau. C'est une prison. C'est une prison. Bien aimé, on vous dira que j'avais fait seulement une fois. Mais après, Christ est mort, c'est pour nous délivrer. Christ est mort, c'est pour nous sortir de prison. Il détient la clé. J'ai besoin de quelqu'un avec tout son cœur ce soir. Il va prier. Il va demander à Dieu, lui qui te tient les clés, qu'il sorte de prison. Les prisons où il est enfermé, les prisons sataniques, les prisons de stagnation, les prisons de pauvreté, les prisons d'immoralité. Nous voulons prier le Seigneur ce soir. Bien aimé, qui nous sorte de ces choses. Bien aimé, tu t'es battu seul. Peut-être ces choses sont en nous. Tu t'es battu seul. Tu ne prends que des dettes et des dettes. Un moment tu te ressaisis, tu dis je ne prends. Pour qu'il puisse nous sortir de ces prisons. Il m'a été demandé de parler de deux choses. Mais à cause du temps, je crois que nous allons nous limiter par là. Nous allons nous tenir debout. On se tient debout, nous allons prier. Simame tutaomba. Bien-aimé, le diable n'est qu'un menteur. Upendwa, shetani huyu ni mdanganyifu. Le diable et tous ses démons. Shetani na les occultistes, les magiciens, le fétichisme et tout ce que nous connaissons ne sont que des menteurs. Ce sont des agents du diable. Ils ont des prisons. Ils cherchent des personnes. Ils proposent la richesse. Comme ce roi de Sodome. Ils disent, donne-moi des gens. Tu amènes quelqu'un dans l'occultisme. Ton grade augmente. Ce sont ces gens. Donne-moi des personnes. Moi je te donne des richesses. Bien-aimé, ce ne sont que des menteurs. Tu vas accepter. Mais demain, comme cette femme veut, fils de prophète, mais il meurt avec des dettes. Et on vient réclamer les enfants. Bien-aimé, tu vas prier. J'ai besoin que tu pries. Tu vas dire, Christ, tu as dit, ne crains pas. J'ai la clé de la mort et du séjour des morts entre mes mains. Et tu as dit encore que tu es allé dans le séjour des morts. C'est pour prêcher dans la prison ceux qui étaient prisonniers. Alors Seigneur, ce soir, sors-moi de la prison, sors-moi des prisons sataniques, sors-moi de toute prison satanique. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, sors, sors mon frère, sors-nous, oh Dieu, sors-nous des prisons. Sors-nous des prisons sataniques. Sors-nous des prisons sataniques. Oh, la pauvreté. Sors-nous de la pauvreté. Sors-nous de l'immoralité. Sors-nous de l'immoralité. Oh, sors-nous de l'endettement. Sors-nous de ces choses. L'espérance d'un jour meilleur. Les forces au même monde pour me relever. De partout je suis accablé. Je me démenti, j'ai pour résister. Et pourtant du haut de ton trône, je regarde sur ma cause, décidé afin